bon usage des barbelés, un texte de Olivier Siran paru en décembre 2018. Épisode 1. Dans L'homme qui n'a pas d'étoile, un film de King Vidor, il y a cette scène où un éleveur de bétail conseille au cow-boy solitaire joué par Kirk Douglas d'utiliser du fil de fer barbelé. En entendant ce mot, le héros se raidit, ses traits se durcissent. « Touchez-moi ça! Sentez comme c'est piquant !» propose l'éleveur. « Je l'ai déjà bien senti !» répond Kirk. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» s'étonne l'éleveur. Et Kirk de lui répondre sèchement « Je n'aime pas ça, ni celui qui s'en sert. » « Ah bon? Mais moi, je compte en utiliser. Alors est-ce que ça compte pour moi aussi? » « Oui, pour vous aussi. » « Yeah, them barbs are sharp. Feel them. »« I've felt it. »« What's wrong? »« I don't like it. And I don't like anyone that uses it. »« Well, I ain't gonna use it. Does that go for me? »« It does. » On repensait à cette réplique l'autre jour en voyant les images de soldats américains en train de dérouler sur les rives du Rio Grande des kilomètres de bobines de barbelés concertina, variante autrement plus redoutable avec ses lames de rasoir conçues pour trancher jusqu'à l'os que le gros barbelé à pointe inventé en 1874 par un fermier prospère de l'Illinois. C'est le même modèle qui borde la rocade menant au port de Calais où il couronne un tentaculaire lacis de clôture et de détecteur à rayonnement infrarouge. Dans le Pas-de-Calais, sa fonction consiste à stopper les sauts de frontière et, s'ils insistent, à leur infliger des lacérations que les médecins sur place comparent à des blessures de guerre. On s'est surpris à y repenser encore, par ricochet, en parcourant le très long entretien accordé à Ballast par Frédéric Lordon. Au cours de cet exercice en trois volets, consacré en sa partie centrale à valider la stratégie d'accès au pouvoir de la France insoumise, l'économiste hétérodoxe s'attaque entre autres à la question des migrantes et des migrants en laissant entendre que les violences qu'ils et elles endurent feraient l'objet d'une attention excessive ou trop moralisante de la part d'une partie de la gauche. La pensée militante serait mieux employée à se fondre dans la dynamique à gauche, incarnée avec prestance par Jean-Luc Mélenchon, qu'à bassiner tout le monde avec nos histoires de barbelés, de duvets confisqués par la police et de centres de rétention qui débordent, puisque, souligne Lordon, je cite, « il ne devrait pas être nécessaire de dire qu'au premier chef, ce qui est insoutenable, c'est le sort objectif fait aux migrants, car ce devrait être suffisamment évident pour qu'on n'ait pas à le dire. » Fin de citation. Dans le champ de mine à fragmentation de la « vraie gauche », la voix de Frédéric Lordon ne compte pas pour du beurre. Ses analyses sur la crise de 2008 ou sur le garrotage de la Grèce ont permis à des milliers de cancres en économie dans mon genre d'y voir plus clair sur le fonctionnement des banques, des institutions qui les gavent et des calamités qu'elles provoquent. Quand il passe à la débroussailleuse les fausses évidences du « système des prescripteurs et railer » radicale incapacité de penser quoi que ce soit de différent, on boit volontiers du petit lait. Mais les efforts d'imagination qu'il mobilise pour concevoir des alternatives à l'ordre économique dominant ne paraissent plus de mise quand il s'agit des frontières. À rebours de la hardiesse qui l'avait conduit par exemple à appeler à la fermeture de la bourse, Lordon prêche sur ce sujet la conservation de l'existant et sa répugnance pour les « no borders ». Appellation qu'il s'abstient de définir, mais sous laquelle il semble ranger les quelques effrontés qui, considérant la criminalité d'État instituée par les frontières, oseraient mettre en doute leur bien fondé intrinsèque. Nous sommes quelques-uns, en effet, à considérer que les frontières physiques, non pas celles qui se volatilisent devant les capitaux et les marchandises, mais celles qui repoussent, blessent ou tuent les voyageurs sans visa au moyen d'un nombre toujours plus croissant de policiers, de gardes-côtes, de mercenaires, de fichiers d'empreintes digitales, de capteurs biométriques, de détecteurs de chaleur humaine ou de systèmes de surveillance satellitaire, ne constitue pas nécessairement l'horizon indépassable de la condition humaine et qu'il y a lieu peut-être d'envisager leur démontage. Chacun l'aura remarqué, ce point de vue n'occupe pas une place écrasante dans le débat public. S'il inspire un certain nombre d'actions militantes courageuses et salutaires, il ne bénéficie d'aucune espèce de visibilité dans le champ médiatique, politique ou intellectuel. En fait, il n'est même jamais énoncé, encore moins discuté. D'où notre étonnement de voir Lordon s'en emparer brusquement pour s'efforcer de le disqualifier davantage, comme s'il y avait péril en la demeure. À ses yeux, remettre en cause la légitimité des frontières, c'est dégringoler tête en avant dans un, ouvrez les guillemets, néant de la pensée, fermez les guillemets. Les frontières, nous enseigne-t-il, ne sont pas mauvaises en soi. Elles sont, point barre. Elles peuvent d'ailleurs, ouvrez les guillemets, prendre des formes extrêmement variées, des plus haïssables, jusqu'à de plus intelligentes, fermez les guillemets. Comment s'y prendre pour améliorer le QI d'une clôture ou d'une patrouille de Frontex, Lordon ne le précise pas. C'est sans doute, là aussi, suffisamment évident pour qu'on n'ait pas à le dire. On se contentera de prendre pour acquis que les frontières intelligentes font de bien belles choses, qu'elles, je cite, « encouragent même circulation et installation, mais n'abandonnent pas pour autant l'idée d'une différence de principe entre intérieur et extérieur ». Fin de citation. On est ravis de la nouvelle et on voudrait bien les connaître, ces murs de qualité qui allient gentillesse et attachement aux principes éternels. En quoi elle consiste au juste, la différence de principe entre intérieur et extérieur ? Lordon ne le précise pas non plus, mais on ne jurerait pas qu'elle n'ait rien à voir avec ces 15 migrants qui viennent de mourir de faim et de soif à bord d'un canot qui dérivait depuis 12 jours au large des côtes libyennes, ou avec ce sans-papier guinéen forcé par un agent de la police aux frontières de Beauvais de se mettre à genoux et de lui lécher ses chaussures. Mais attention, nous avertit le philosophe, le problème viendrait surtout de ces énergumènes qui voudraient détruire les frontières et jeter le barbelé avec l'eau du bain. Je cite, « C'est de la problématisation pour « on n'est pas couché » ou pour « CNews » en matière d'institution, pour ou contre, c'est la pire manière de poser les questions. » Fin de citation. Comme le dit la chanson, on lâche rien, on lâche rien. Pourtant, nous vivons dans une époque où on lâche beaucoup, au contraire, et même de plus en plus. Au cours de ces dernières années, par épluchages successifs, le périmètre de la gauche n'a cessé de se ratatiner. Quantité de références que l'on croyait l'apanage des tromblons réactionnaires ont percé son épiderme idéologique. Nation, patrie, armée, police et fanion bleu-blanc-rouge n'y sont plus des cibles, mais des fétiches. Oui, j'aime mon pays, oui, j'aime ma patrie, et je suis fier d'avoir ramené dans nos meetings le drapeau tricolore et la Marseillaise, proclame Jean-Luc Mélenchon. On lâche tout, on lâche tout. Et c'est là que Lordon jaillit pour nous enjoindre de lâcher plus encore. L'internationalisme hérité du mouvement ouvrier, sans parler du rudimentaire principe de solidarité entre les abîmés de ce monde, ne serait plus que des breloques bonnes à remiser sur un apron en dentelle. Ne dites plus « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », dites plutôt « prolétaires de tous les pays, soyez gentils, restez chez vous ». À quoi s'ajoute que la question des frontières est devenue au fil de ces derniers mois un redoutable sac à embrouilles, débordant sur d'autres épineuses questions liées notamment au choix stratégique de la France insoumise. Au point où on en est, ce n'est peut-être pas du luxe de le vider, ce sac, et de démêler un peu les désaccords, non-dits et quiproquos qui s'y sont accumulés. Non par goût pour la chamaille, mais dans l'espoir d'éviter que « no border » devienne irrémédiablement un gros mot. If I could reach the border, fin de l'épisode 1. No matter what's the cause, 'cause I'm leaving you.